salut ma grand. Je sais pas si un jour tu vas comprendre ces derniers cris que je viens de pousser. Il faudrait le prendre comme un baiser. Décroché un matin de mai, couché au pied de l'escalier, tu aurais pu voir dans mes yeux que l'espoir se faisait vieux. Je sais pas si le soleil va vraiment me manquer. Je sais pas si pour vous j'ai vraiment existé. Yeah. On m'a dit avant hier, relève la tête et sois de la fête. J'ai préféré rire de tous ceux qui croyaient que j'allais continuer le jeu. L'argent puis toutes les autres affaires, la Sainte Trinité au dossier mystère. J'ai préféré toutes les ignorer puis continuer à mourir réveillé. Je sais pas si le soleil va vraiment me manquer. Je sais pas si pour vous j'ai vraiment existé. L'autre côté du matin, me voir enfermé sans pouvoir toucher de main. Les anges pressent autour de moi et me recueillent dans leurs bras. Je me berce les yeux fermés, je n'entends rien, je dois quitter. Je sais pas si le soleil va vraiment me manquer. Je sais pas si pour vous j'ai vraiment existé. Ramenez-moi vers l'être aimé. L'esprit se brisera évitant la folie et je vous suivrai en échange de ma vie. Je sais pas si le soleil va vraiment me manquer. Je sais pas si pour vous j'ai vraiment existé. Je sais pas si le soleil va vraiment me manquer. Je sais pas si pour vous j'ai vraiment existé.